Alors, vous êtes contente, vos deux candidats du second tour? Wouh, quel enthousiasme! Ah, je vous comprends. On vit quand même dans un pays où le Front National fait la chenille avec un slip sur la tête pendant toute la nuit, dans une salle baptisée l'espace François Mitterrand. Hein. Ça fait 3 mois que c'est annoncé, favori pour le second tour Marine Le Pen, Emmanuel Macron, ils sont tous là, à dire depuis hier 20h, premier tour et séisme politique. Oh les gars, vous attendiez quoi? Eh hey, les gars, pour tout la salle? Non, sérieux. Parce que maintenant, on ne peut plus dire que c'est la faute au sondage à Brice-Teinturier, c'est la faute aux courbes qui se croisent, aux fils qui se touchent, tout ça. C'est fini, maintenant, ça ne marche plus. Et maintenant, ce n'est plus les sondages qu'ils disent. C'est les gens, ils veulent vraiment Macron-Le Pen. En attendant que Mélenchon il finisse de se tâter ses pédères de gazelle, dans 2 semaines, on va savoir si Marilyn Le Pen, elle va pouvoir aller voir son père Jean-Marie au château de Montretout en lui disant fièrement qu'elle a fait aussi bien que son papa. Comme ça, ensemble, ils pourront parler du Veldiv en buvant de la tisane. Ou bien, si c'est moi qui vais devoir, comme me disent tous ces sympathisants sur Internet, remonter dans mon arbre ou me prendre un saucisson dans le derrière. Oui, c'est vrai, Patrick, souvent, ils me disent ça, les gens, sur Internet. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'aimerais bien qu'on laisse mon anus tranquillement, là où il est, histoire qu'il puisse continuer bien gentiment sa vie d'anus en toute sérénité. Avant toute chose, moi j'aimerais saluer François Fillon, si ça vous dérange pas, qui a choisi de se retirer du jeu politique pour se consacrer pleinement à celle qu'il aime par-dessus tout, sa société de conseil. C'est vrai, quelle journée stressante on a passé hier. Déjà, t'es obligé de retourner à l'école. Moi, je suis retourné en primaire. J'ai été ôté en fin d'après-midi, je me suis fait raqueter mon goûter. Tu vois, mais j'ai retrouvé ma cagoule que j'avais perdue en CE2, ça c'est l'avantage. Mon petit directeur de com, osons causer, c'est pourquoi? Je me demande si on n'en fait pas un peu trop là quand même. Pardon de vous le dire, mais que ça vous plaise ou non, j'ai travaillé pour me payer cette fête. Oui mais bon, il n'y a pas encore raison de faire la fête là quand même. Pardon de vous le dire, mais en même temps, on vient de faire le meilleur score de l'histoire d'En Marche. Mais je vous rappelle que vous avez juste gagné le premier tour, vous n'êtes pas encore président. Pardon de vous le dire, mais cette soirée n'est ni vainqueur du premier tour ni président, ma soirée va au-delà du concept de vainqueur du premier tour et de président. Histoire de ne pas commencer sur un faux départ de type sarkozyste, on va rectifier le tir. Donc déjà on est vernis parce qu'on a la certitude que Brigitte ne va pas sortir un disque de chansons à la guitare sèche en comptant les lettres du patronyme de son homme, hein, 4 consonnes et 4 voyelles, c'est le prénom d'Emmanuel. Voilà, on est tranquille. De même, pas le coup du yacht de Bolloré. Donc le lendemain de l'élection, même si Patrick Drahi propose son vieux camping-car pour faire le tour du Jura, c'est non. Et donc pour la soirée en elle-même. Alors moi je sais très bien que la rotonde c'est pas le Phuket, c'est Obama 2 fois moins cher. Mais ça c'est le gros problème des pauvres, ils font pas la différence entre un endroit cher et un endroit très cher. Je vous donne le truc, pour le pauvre, à partir du moment où il peut pas se le payer, c'est trop cher. Attention, faut être vigilant au second tour. Parce que c'est comme le mariage, c'est pas parce que t'es sûr que ta nana va dire oui qu'il faut pas se pointer. Hein, parce que... Ah, ça c'est un bon lien parce avec que, le film, parce ça. Que suivant le résultat dans 2 semaines... Bah peut-être qu'à la rentrée, sur France Inter, on sera que 2 autour de la table. Voilà. Hein. C'est qui hein? Ah, il y aura des trous dans la grille, moi je vous le dis. Hein, Daniel et moi, hein, 10h, 11h, ah, voilà. 11h, midi et demi, 17h, 18h. Ouais, les Belges aussi, ouais, ouais. Ah bah si on sort de l'Europe et qu'on ferme les frontières, ça va tendre les rapports. Ah non, et moi c'est pour ça, je suis toujours ravie, je suis à fond. Un mariage pour quelqu'un qui aime la bouffe, c'est un peu comme un vernissage pour un alcoolique, c'est l'occasion d'être soi-même, l'air de rien, un énorme kiff. Il convient de faire barrage au FN à ces projets aussi funestes pour le pays que nous avons pour nos libertés. Le 7 mai, votons Emmanuel Macron. Mais t'as pas le droit, Daniel. Voilà, c'est fait. Ah, je me demande si t'as peut-être raison, parce que là, j'ai un appel de la direction, c'est Laurence Bloch en personne, je suis obligé de le prendre. Oui, Laurence? Ah oui, les consignes? Mais je crois que c'était pour rire. Ok, non mais arrêtez de gueuler comme ça, patronne. Ok, j'arrange le coup. Bon alors, pardon. Allons-y. Pour le second tour de l'élection présidentielle, je vous le dis en mon âme et conscience, votez Marine Le Pen. Oh. Alors ok, Macron c'est le type contre lequel les syndicats ont toujours manifesté, donc c'est pas simple. Non, et puis vous n'avez qu'à scander, tous ensemble, ou presque, voilà. Du coup, bon, comme de toute façon cette chronique va s'autodétruire dans... maintenant, je vais m'en tenir à cette consigne de vote, voter en pensant à nos enfants. Voilà, enfin surtout aux vôtres. Pour être honnête, les miens sont encore rangés dans mon système reproductif. C'est dommage, hein, Cécilie, parce qu'en Belgique, là, on a justement tous un avis sur la question. Il y a 2 millions de Belges qui ont regardé vos élections. Je crois qu'il faudrait que le roi fasse une pure sextape avec le père Albert pour avoir autant de Belges devant leur télé. Qui pour remplacer Georges Pernoud? Nagui? Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans Thalassa. Ce soir, Noémie la crevette opposée à Jean-Claude Lemerrou. En jeu, la somme incroyable de 18 000 euros, ça fait du plancton. Allez, c'est monsieur qui commence. Pour Jean-Claude Lemerrou, faites du bruit.